Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission qui clape en tourne. Aujourd'hui je vais faire Paul Meurice avec son film Marie-Octobre, et à la technique c'est Marcus. Bonjour Tanguy. Bonjour Marcus, je vais commencer par la biographie de Paul Meurice. Nom de naissance, Paul Gustave Pierre Meurice. Naissance le 21 décembre 1912 à Dunkerque. Décédé le 19 janvier 1979 à Neuilly-sur-Seine à 66 ans, professeur acteur. Biographie. Issu d'une famille de la petite bourgeoisie, il passe son enfance en Corse puis à Dijon. Après des études de droit à Aix-en-Provence, il devient clerc de notaire. Mais, attiré par le spectacle et doté d'une très belle voix, il monte à Paris pour participer à un télécrochet qu'il gagne en 1936. Cela lui permet de débuter dans une revue au Trianon comme danseur et d'entamer un tour de chant dans des cabarets, interprétant de façon lugubre des chansons gaies. Pierre Dac le remarque et l'emmène en tournée. Après avoir été mobilisé en 1939, il retourne sur scène aux côtés où il côtoie Maurice Chevalier. En avril 1940, il crée aux côtés d'Edith Piaf, qu'il devient sa compagne jusqu'en 1942. Le Bel Indifférence de Jean Cocteau au Théâtre des Bouffes Parisiens. Par la suite, successivement, qu'il jouera dans trois grands films. Après quelques rôles secondaires, sa carrière cinématographique démarre véritablement en 1946, avec Macadam dans le rôle d'un voyou. Acteur prolifique au cinéma, il est également un comédien de premier plan au théâtre. Il est pensionnaire de la Comédie-Française à partir de 1956, mais refusa de signer un contrat de sociétaire. Il interprète la plupart de ses rôles avec la même élégance et le même flegme, tour à tour ironique ou inquiétant. De même que Jean Gabin ou Lino Ventura, il ne compose pas ses rôles, restant lui-même avec une affectation, touchant parfois à l'autodérision comme dans L'œil du monocle. Philosophe et artiste, amoureux passionné de la nature, des petits oiseaux, des petites fleurs, de ma petite fleur, Erika m'amuse. Enfin, je veux dire, Erika, c'est m'amuse. Vous êtes de mon avis, hein? Oui, alors il faut que je vous raconte. Voilà, c'est cette année en vacances que je l'ai connue. En Corse. Oh, la Corse. Vous serez transporté. Un pays enchanteur, le paradis pittoresque. Ces rues d'un calme. On était heureux tous les deux, vous savez. J'avais loué un petit appartement en ville où je me consacrais entièrement à mon art, car je vous l'ai dit, je suis artiste. Et puis un jour, le monocle est arrivé. Le monocle. Ça ne vous rappelle rien, le monocle? Voilà, vous y êtes. Le monocle, c'est son surnom. On prétend qu'il n'y voit pas bien d'un œil. Tiens, mon œil, il a l'œil, oui. C'est un agent secret. Mystérieux personnage, ce commandant de Romard. Athos, Aramis, D'Artagnan, c'est pas très bien. En tout cas, il faut être juste. D'une distinction, d'une loyauté. Mousquetaire du XXe siècle, toujours flanqué d'une espèce de Porthos qu'on appelle Poussin. Tu parles. Et un jour, le monocle vient me trouver et me dit... Vous, mon cher, vous me cachez quelque chose, un trésor peut-être, des documents secrets d'une extrême importance. Ce fut le départ donné à tous mes ennuis. À vos marques, prêt. Eh oui, j'étais bel et bien entraîné dans cette folle et mystérieuse aventure. Parler d'une partie de cache-cache. M'amuse s'amusait aussi, mais sans moi. Ah, Diana, dangereuse. Ah ben, le commandant de Romard, lui, il n'avait pas peur du tout. Ah non, pas du tout. Très détendu J'aimerais vous dire que je vous aime, que cela est l'air vrai. Allons, voyons. Pas de dépression. Toujours à son aise, le commandant Dromard. Bon, eh ben tout ça c'était bien joli, mais moi je sentais que ça allait mal se terminer, alors j'ai vainement tenté d'intervenir. Et puis, ils se sont déchaînés. Alors, vous me voyez, moi, dans ce cataclysme. Mais t'as tiré au canon maintenant? Bon, eh ben alors ça suffit comme ça, hein? On tue mes amis, on vient me chercher chez moi, on me chasse de ma retraite, on torture ma femme. Pour me mettre dans le bain, eh ben ils m'y ont mis par 40 mètres de fond. Eh ben c'est lui, Théobald, commandant Dromard, c'est un bon français, mais c'est pas un gentil camarade. Alors elle, c'est une Allemande, c'est tout dire. Elle est italienne, c'est tout dire aussi. Lui, c'est un russe, alors c'est autre chose. Et lui, il est dans la marine, si vous dire. Tiens, encore un Allemand, hein? Mais ils sont partout, décidément. Et lui, c'est un tueur, mais il le fait jamais méchamment. Ah bah lui, c'est Poussin, alors c'est tout dire. Tiens, voilà un gardien. C'est moi. Alors, si un jour, vous rencontrez un de ces personnages, croyez-moi, hein, ne les saluez jamais. Mais par contre, venez les voir dans notre prochain spectacle, L'œil du monocle. Vous êtes de retour de Mesoquet Clap en Tourne et vous avez entendu un petit extrait de L'œil du monocle. Superstitieux, il a toujours refusé de mourir à l'écran. L'un de ses meilleurs rôles, pour ne pas dire le meilleur, est celui du commissaire Blot dans Le deuxième souffle de Jean-Pierre Melville. Jacques Ribaldi dit Jacques le notaire, en souvenir des études de droit très réelles qu'il avait faites. Il est vraiment criblé. Il n'a pas eu le temps de s'en servir, hein. Il devait être nombreux. Vous étiez peut-être mieux placé que lui. Toujours à plaisanter, commissaire. Vous savez bien que je ne tire plus. Et que ceux qui vous en voulaient sont morts. Comment vous osez dire ça? Surtout ne tombe pas dans les pommes. Et puis d'ailleurs, du moment que Manouche n'a rien, le reste, tu t'en fous. Pas vrai? Approchez-vous, vous autres. Je n'appelle pas les clients, je suppose que ce soir, il n'y en avait pas. Messieurs, les reliefs des repas par petites tables que vous apercevez d'ici ne sont pas des signes de précipitation. Certains s'en allèrent au hors d'œuvre, d'autres juste avant les entremets. Rien dans tout cela que de très normal. Disons que la reine d'Angleterre faisait du stop avenue Kléber, ça valait le déplacement. Pour le reste, messieurs, voici Alban. Il n'a absolument rien vu quand l'accident est arrivé, il était accroupi derrière le comptoir, il y chassait les mouches, et lorsqu'il releva la tête, les agresseurs, les vilains, enfin ceux qui sont entrés ici, on se demande encore pourquoi, avaient disparu. Alban serait parfaitement incapable de nous dire s'il s'agissait d'un homme seul ou d'une tribu de Touareg. Alban. C'est à peu près ça. Voici Manouche. De mauvaises langues diront que Jacques le notaire avait un sentiment pour elle, mais où serait le rapport, je vous le demande. Manouche n'a rien vu. Elle était à la caisse, le nez sur une addition. Voici le second barman, Marcel le Stéphanois, si ma mémoire est bonne. Et il a eu si peur en voyant entrer un homme à la mine patibulaire qu'il serait incapable de le reconnaître. Il a disparu derrière le comptoir, il en émerge à peine. C'est un craintif, Marcel. Il n'a rien vu, Marcel. Oh, ben ça alors. T'en prie, prends ton temps. Vous êtes formidable, c'est ce que je dois dire. On dirait que vous étiez là. Non, monsieur, je vous fais juge de la docilité, de la bonne foi des témoins. Ah. Je vous présente le voiturier, un homme honorable dont le nom m'échappe. Il a vu entrer des clients, mais il n'a rien entendu à cause du bruit intense de la circulation dans ce quartier grouillant de hideux poids lourds et de sifflements de trains. Puis il a vu sortir des clients, ce dont il a une grande habitude, et on est venu lui annoncer la mort d'un homme. Il est encore sous le coup de la stupeur. Auriez-vous la force de parler, mon enfant? Vraiment, non, quel choc! Abrégeons, je ne suis pas un tortionnaire. Ne soyez pas timide, allez vous asseoir. Monsieur, un idiot de village comprendrait que ces gens n'ont absolument rien vu quant à la disparition des clients. Ils ne sont pas payés pour en découvrir le motif. Tout le monde n'a pas une imagination au-dessus de la moyenne, messieurs. J'en ai terminé. Pas la peine. Je me trompe, Alban? Les mercenaires de cuisine ont dû réintégrer leur domicile. Et c'était beaucoup de monde pour rien, commissaire. On me demande ce que nous sommes venus faire dans cette pouponnière. Auriez-vous la bonté de me rendre le même service qu'il y a 2 ans? Voilà, c'est à jour. Merci. C'est le relevé du personnel et les adresses. Le juge en fera des choux maigres. Prévenez le service qu'on amène le corps. C'est curieux. On dirait que, en sortant, ils ont tiré vers la rue. À moins qu'on ne leur ait tiré dessus de l'intérieur. Alban, j'espère que tu en as tué au moins. Hein? Enfin, nous le saurons dans quelques jours. Allô, Liemel, nous envoie un client. On emmène seulement le corps. Pour les autres, nous pouvons nous en tenir à la formule rituelle. Tenez-vous à la disposition du commissaire. Interdiction de quitter Paris sans nous informer du changement d'adresse. Parfait. On est de retour dans l'émission que Capon tourne et vous avez entendu un extrait du deuxième souffle de Jean-Pierre Melville de 1966. Son neveu, Théobald Meurice, 1933-1993, a effectué une brève carrière de chef décorateur au cinéma. Filmographie, cinéma. 1941, Ne bougez plus, de Pierre Caron, il joue Hector. 1943, La ferme au loup, de Richard Potier, il joue Furet. 1948, Impasse des deux Ganges, de Maurice Tourneur, il joue le malfrat. 1949, Dernière heure, édition spéciale de Maurice de Canonge. Et 1955, Les Diaboliques, d'Henri Georges Clougeot. Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Qui est là? Allô, allô, qui est là? Répondez, nom de Dieu! Ah, non, ah! Une baignoire? Diabolique. Un costume d'homme? Diabolique. Une malle en osier? Diabolique. Une piscine? Qui l'a enfoncé sous l'eau? De retour dans l'émission Clip Capon Tourne, vous avez entendu Les Diaboliques de 1955 d'Henri Georges Clouzot. 1955, L'affaire des poissons d'Henri Descoings. 1958, Échec au porteur de Gilles Grangier. 1959, Le déjeuner sur l'herbe de Jean Renoir. 1961, Le jeu de la vérité de Robert Hossein. 1962, L'œil du monocle noir de Georges Lautner. 1963, Méfiez-vous d'André Hunebelle et Charles Rouvier. 1963, Les tontons flingueurs de Georges Lautner. 1965, Quand passent les faisans d'Edouard Moulinaro. 1965, Les grosses caisses d'Alex Joffé, joue Philippi. J'en ai fini sur sa biographie et je vais passer à son film Marie-Octobre, réalisation Julien Duvivier. Acteurs principaux, Daniel Darieux, Paul Meurice, Bernard Blier, Nino Ventura et Serge Reggiani. Genre film dramatique, durée 1h30. Et c'est un film sorti par Julien Duvivier en 1959. Mesdames, Messieurs, en raison du caractère particulier du film qui vous sera présenté prochainement, et afin de vous permettre d'en suivre le déroulement dans toute sa continuité, nous ne saurions trop vous recommander de ne pas suivre l'exemple de cet homme. c'est-à-dire de ne pas vous présenter en retard à ce dîner offert par une jolie femme et qui réunit un avocat d'assises, un boucher, un médecin, un serrurier, une couturière bien parisienne, un prêtre, un mauvais garçon, un contrôleur des contributions, un imprimeur, un riche bourgeois, une domestique. Pourquoi des individus aussi différents se trouvent-ils réunis ce soir dans cette maison ? Pour un motif grave. Il s'agit en effet de faire toute la lumière sur un événement demeuré mystérieux. De démasquer un assassin. De juger un coupable. De punir un traître. Et si vous n'entendez aujourd'hui aucune des paroles prononcées au cours de cette étrange réunion, c'est afin de conserver intact tout le mystère. De vous laisser toute la surprise de cette enquête inhabituelle. De cette dramatique reconstitution. De ce très surprenant procès. Pendant 2 heures, ces hommes, qui furent des camarades, des amis, des frères, vont s'entre-déchirer. Chacun d'eux sera tour à tour policier. Témoin. Suspect. Accusateur. Défenseur. Chacun d'eux peut avoir trahi. Chacun d'eux peut avoir tué. Où est la vérité? Par quels moyens découvriront-ils le traître? Comment puniront-ils l'assassin? Ont-ils le droit de se faire eux-mêmes justice? Qui s'en chargera? Vous êtes de retour dans le circuit Clapon Tourne et vous avez entendu un premier petit extrait du film. Un groupe d'ex-résistants dont certains s'étaient perdus de vue pendant la fin de la guerre se retrouvent 15 ans plus tard. Ils dînent ensemble dans la demeure de leur ancien chef Casti qui a été arrêté et tué dans ce lieu même, événement qui a précipité la chute du réseau. Cette soirée est organisée par Marie Octobre, nom de code de l'ancienne estafette du réseau et par la propriétaire actuelle des lieux, François Renaud Picard. En réalité, ils ont organisé la réunion pour percer le mystère de la mort de Casti, un ancien membre des services de renseignement allemand. Leur a avoué que c'était grâce à un traître que la Gestapo avait réussi à les découvrir ce soir-là. Thank you. Vous êtes de retour dans l'émission qui clape on tourne, et c'était un dernier petit extrait du film. Petit à petit, les anciens membres découvrent ou supposent de bonnes raisons à chacun d'avoir pu trahir l'appât du gain, la lâcheté, la méprise, la politique et la collaboration. Malgré l'opposition d'un prêtre, ils votent la mort du traître, qu'il devra se suicider après avoir signé des aveux, une fois découvert. Celui-ci tente de s'échapper, puis fait appel à leur pitié. Le prêtre arrive un temps à empêcher ses amis de mettre leur décision à exécution. Mais le traître est finalement tué par Marie-Octobre, qui appelle ensuite la gendarmerie après avoir déchiré la confession que le traître a été forcé d'écrire. Fiche technique. Titre Marie-Octobre. Réalisation Julien Duvivier. Dialogue d'Henri Johnson. Durée 1h35, format noir et blanc, genre film dramatique. Date de sortie en France, le 24 avril 1959. Les acteurs, Daniel Darieux et Marie-Hélène Dumoulin, dite Marie-Octobre, directrice d'une maison de couture, Paul Meurice et François-Renaud Picard, industriel, Bernard Blies et Julien Simoneau, avocat pénaliste, Lino Ventura, c'est Carlo Bernardi, Noël Roquevert, c'est Étienne Vandamme, contrôleur des contributions. Robert Dalban, c'est Léon Blanchet, serrurier plombier. Paul Franqueur, c'est Lucien Marinval, boucher mandataire au Hall. Et Serge Reggiani, c'est Antoine Rougier, imprimeur. Réception critique. À la sortie du film, la critique est d'abord partagée. Cette histoire est ingénieuse et on s'étonne de s'être pas davantage pris, passionné, captivé par le film de Julien Duvivier. On marche, certes, et l'on tombe volontiers dans les petits traquenards que nous tend le réalisateur. On recherche des solutions aux problèmes, on élabore des raisonnements, mais notre attention demeure superficielle. Nous ne participons que de loin, en amateur, au drame qui se déroule sous nos yeux. Nous ne nous sentons plus impliqués dans cette affaire comme nous l'étions dans celle des 12 hommes en colère. Il n'en reste pas moins que Marie-Octobre remportera certainement un grand succès auprès du public. Le suspense, imaginé par Jacques Robert, la vivacité du dialogue d'Henri Johnson feront oublier aux spectateurs la faiblesse du récit. Quant aux comédiens, ils sont tous excellents. Autour du film, Julien Duvivier a tourné les scènes du film dans l'ordre même du scénario. La recherche du traître met en lumière la personnalité de chaque membre du réseau, mais aussi et surtout celle de Castille, son chef personnage fort mais différent de la légende qui s'était tissée autour de lui. La mort du traître ne changera rien à l'ambiguïté des personnages. Ainsi, quand Marie-Octobre abat elle-même le coupable, est-ce pour faire justice ou pour venger son ancien amant? L'illusion de cette enquête à huis clos rend suspect tour à tour chacun des protagonistes. Le casting réunit des acteurs célèbres du cinéma français de l'époque. Daniel Darieux, Noël Roquevert, Paul Franqueur, Bernard Blier, Lino Ventura, Robert Dalban et Paul Meurice. À l'apport symbolique d'un acteur à la notoriété alors plus récente et de celui d'une actrice de second rôle active depuis les années 30. Le déroulement du film respecte la règle classique des trois unités, le temps, le lieu et l'action. La pièce où se déroule l'action est richement meublée. On distingue deux copies de tableaux anciens, de Pompeo Batoni, la mort de Marc-Antoine et de François Boucher. Le jeu de Daniel Darieux fut jugé trop théâtral par de nombreux critiques à l'époque. J'en ai fini sur ce film et je peux vous dire que la rediffusion c'est le lundi matin à 9h et puis que dans 15 jours c'est Raymond Souplex. Bonne semaine à tous. Au revoir.